Jamais 203, jamais mieux que ça, ne m'a fait en croire en notre amour. Car je sais que toi et moi, on est bien et ça se voit, quand on n'est rien que nous tous les trois. Le jour où l'on se marie, on y pensait déjà, à celle ou bien à celui qui viendra nous tendre les bras. On en rêvait, l'on construit pour lui tant d'espérance, que dès qu'il s'avance, on se sent tout petit. Jamais 203, car il n'y a pas sur la terre une plus grande joie que voir un enfant venir ici-bas nous donner plus d'amour qu'on en a déjà. Jamais 203, c'est toujours comme ça si on veut semer toute une vie. Car celui qui nous retient, quand parfois sur le chemin il arrive que l'on s'aime un peu moins. On sursaute chaque fois quand on l'entend crier, et on rit quand on le voit essayer de nous imiter. Il nous donne son sourire en prenant tant de place que les années passent à nous entendre dire. Jamais 203, car il n'y a pas sur la terre une plus grande joie que voir un enfant venir ici-bas nous donner plus d'amour qu'on en a déjà. Jamais 203, jamais mieux que ça, ne m'a fait en croire en notre amour. Car tu sais que toi et moi, on est bien et ça se voit quand on n'est rien que nous tous les trois. Ngày ta mới lấy nhau ngày nào và ta đã hứa với nhau phải yêu nhau tới khi bạc đầu, ta mơ đôi ta bế bồng em bé, mình cho bé biết bao là quà, em chơi búp bê rất say mê, nhớ khi bé biết đi rồi ôi đôi mắt như mặt trời. Hai với một là ba, trong cuộc đời của ta có cái gì vui hơn nỗi vui gia đình. Khi ta nhìn con thơ đôi má hồng như hoa đang vui đùa trong nắng sớm trên sân nhà đôi ta. Hai với một là ba, không còn ngờ chỉ nghe ta lên đường ta đi tới nơi thân thiện. Có con đời ta sẽ tươi đẹp, có con rồi ta sẽ không buồn, chúng ta cùng nhau đi đắp xây cuộc đời. Car je sais que toi et moi, on est bien et ça se voit, quand on est rien que nous tous les trois. Car je sais que toi et moi, on est bien et ça se voit, quand on est rien que nous.